الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Furqan bayn awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. On est arrivé donc maintenant à la lecture d'un verset que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne. Il dit wa qala ta'ala iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Donc on est toujours dans le contexte dans lequel Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne que il envoie les anges comme un support pour les croyants, et il mentionne dans ce verset en particulier le verset 40 dans sourate At-Tawbah. Naam, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie yani, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux, quand ils étaient tous les deux dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne sois pas triste car Allah est avec nous. Et Allah fit descendre sur lui sa sérénité, as-sakina, et le soutien de soldats, anges, que vous ne voyez pas. Hein? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce point-là et il dit: وَكَذَلِكَ فِي مَوْقِفٍ ثَالِثٍ وَهُوَ حَالَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةِ وَاللِّحَاقُ بِأَصْحَابِهِ أرادوا منعه وتشاوروا فيه واجتمعوا يقول تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني بالحبس أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأخرجه من بينهم ولا هم وهم لا يشعرون فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون وذلك وذهب هو وصاحبه إلى غار ثور جنوب مكة واختفيا فيه وأخذ المشركون يطلبونه بكل وسيلة وجعلوا الجوائز لمن يأتي بهم وبحثوا عنهم حتى وقفوا عليهم في الغار ولم يروهم صرف الله أبصارهم عنهم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يعني نزلت لتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فخرجوا من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة بسلامة الله ولم يتعرض لهم أحد حتى وصلوا إلى المدينة هذه نتيجة الصبر والثبات والجهاد في سبيل الله. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique la position, donc une troisième situation, une troisième position dans laquelle Allah a envoyé les anges pour supporter et défendre les croyants, et c'est lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a voulu émigrer et faire la hijra pour rejoindre ses compagnons, et que les mushrikoun ont voulu l'empêcher de partir. Ils se sont consultés entre eux, ils se sont réunis pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette circonstance dans surat Al-Anfal verset 6, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et si tu les voyais quand ils comparer non, c'est pas le verset 30, c'est, parce que, attendez, je me suis trompé de sourate, c'est Al-Anfal et non Al-An'am. Donc le verset 30 dans sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Naam. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'il a fait sortir de parmi les mushrikines. Il a fait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de parmi les mushrikines alors qu'ils ne se sont même pas rendus compte de sa sortie. Et il est parti, lui ainsi que son compagnon, vers la caverne Al-Thawr, dans le sud de Mecca, et ils se sont cachés à cet endroit-là. Et les mushrikoun sont partis à sa quête. Ils ont essayé d'utiliser par tous les moyens, hein, et ils ont offert des cadeaux, ou même pas des cadeaux, mais plutôt des récompenses, hein, à toute personne qui les ramènerait, hein, ou qui les trouverait. Donc ils ont offert des récompenses à ceux qui trouveraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les ramèneraient à Mecca. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr radiallahu anhu, tous les deux sont sortis vers le sud, hein, alors que Al-Madina est au nord de Mecca. Mais ils ont calculé de partir vers le sud, hein, pour dérouter les mushrikins. Et ils se sont cachés dans une grotte là-bas qui s'appelle Ghar Thawr. Le nom de la grotte c'est Thawr, qui est au sud de Mecca. Et les mushrikoun ont essayé de le retrouver par tous les moyens. Ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la caverne ou devant la grotte. Et malgré qu'ils sont arrivés devant, ils sont arrivés jusqu'à l'entrée de la grotte et ils ne les ont pas vus. Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur regard, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr radiallahu anhu. Et il mentionne cette situation justement dans le verset qu'on a lu, dans le verset 40 dans Surat At-Tawbah qu'on a lu tout à l'heure. Yani, lorsque les deux étaient dans la grotte, hein, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Lorsqu'ils étaient tous les deux, hein, quand ils étaient dans la grotte et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon Abu Bakr, la tahzan inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas, Allah est certes avec nous. Et Allah fit descendre la sérénité sur lui. Hein, et le soutien de ses anges que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants. Donc, ici, les armées que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les anges, qui sont descendus pour supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon. Donc, ils sont par la suite sortis de cette grotte. Ils ont monté sur leur monture. Et ils sont partis vers Al-Madina en toute sécurité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne leur est arrivé, hein. Et ils sont arrivés à Médine finalement. Et le résultat, ça c'est le résultat de leur endurance et de leur fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés parce qu'ils ont été patients et fermes. Et ils ont lutté dans le sentier d'Allah. الشيخ يقول ensuite: إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر الصديق، هذه شهادة لأبي بكر الصحبة بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، إذ يقول لصاحبه، فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي شهد الله له بالصحبة، هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا له ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله ما أنزل ورد الكفار خائبين وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه منهم كان اثنين وأهل مكة كلهم خرجوا في طلبهم كان اثنين وما قدروا على أن يسيطروا عليهم ثاني اثنين ما معهم أحد. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit, lorsqu'il dit à son compagnon dans le verset, lorsqu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu, et ça c'est un témoignage de la part d'Allah pour Abu Bakr, que Abu Bakr était un compagnon, et donc le cheikh, cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit, si on vous pose la question, quel est le sahabi dont Allah a été le témoin qu'il était un sahabi et qu'il avait as-suhba, qu'il a été compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quel compagnon Allah a-t-il témoigné qu'il était un compagnon? Et la réponse c'est Abu Bakr radiallahu anhu, dans ce verset qu'on vient de mentionner, le verset 40 dans sourate at-tawbah, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, lorsqu'il dit à son compagnon, la tahzan, inna Allah ma'ana. Et ça, c'est lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Bakr lui dit, alors qu'il avait peur pour le messager d'Allah, des mushrikines, il dit, ô messager d'Allah, Abu Bakr radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait, à la place de son pied, si l'un d'entre eux regardait la place où il a mis les pieds, il nous verrait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour le rassurer, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Donc ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, Allah est avec nous, c'est dans ce sens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, le verset à ce sujet-là, et il a renvoyé les kuffars, sans aucun résultat. Et il a protégé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon des mushrikines, alors qu'ils étaient seulement deux, et tous les habitants de Mecca étaient en train de les rechercher, deux personnes seulement, et toute une ville entière qui sont en train de les rechercher, et ils n'ont pas été capables de les attraper, malgré qu'il n'y avait personne d'autre avec eux, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a protégés. Donc on continue, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne maintenant un autre verset, ou bien plutôt deux autres versets, le verset 124 et 125 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, وقال تعالى إذ يقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Donc ça c'est deux versets dans sourate Al-Imran 124 et 125. Et donc on va lire la traduction de ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux, hein, et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, vous assaillent, immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Hein? 5000 anges marqués distinctement, et d'autres qui disent qu'ils portent des marques distinctives. Hein? Donc, dans ces deux versets, le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne à leur sujet, هذا قيل إنه في غزوة بدر وقيل إنه في غزوة أحد أن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بالقوة والنصر إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني من جهتهم هذا يعني من جهتهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني معلمين بعلامات معلمين بعلامات ليست من علامات البشر أو خيولهم معلمة قيل إن عليهم عمائم بيضاء بيض قيل إن عليهم عمائم بيض وقيل إن خيولهم لهم شعور غير شعور خيول المعروفة يعني مصومة يعني معلمة أو معلمة فهذا إمداد الله عز وجل لأوليائه أولياء الرحمن لأن الكتاب في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولهذا فهذا إمدادات الله لأولياء الرحمن فهو يمدهم بالملائكة وبالنصر وينقذهم من المواقف الصعبة والضيقة فيجعل لهم الفرج والمخرج وهذه مواقف الشياطين مع أوليائهم وهذا موقف الشيطان مع أوليائه الخزي والعار والهزيمة. Donc le Cheikh il explique que le verset 124 et 125 dans sourate Al-Imran ce sont des versets. Yani, certains ulama disent que c'était à propos de la bataille de Badr, et d'autres ulama disent que c'était à propos de la bataille de Uhud, et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé en renfort et comme force pour supporter les croyants des anges qu'il a fait descendre pour les supporter. Et il dit il taqulu lil mu'minin, lorsque tu dis aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, mais oui, si vous êtes endurant et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, c'est-à-dire qu'ils viennent dans votre direction, et qu'il vous attaque immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Et c'est-à-dire donc qui sont marqués par des signes, qui ne font pas partie des signes des êtres humains, ou que leurs chevaux sont marqués ou sont connus par un signe quelconque. Où certains ont dit parmi les ulama qu'ils ont des turbans blancs, et d'autres ont dit que leurs cheveux, le poil de leur monture, de leurs chevaux, les poils ou la crinière de leurs chevaux ne sont pas comme les crinières des chevaux tels qu'on les connaît. Et donc tout ça, ça fait partie des renforts que Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour ses serviteurs, hein, ses serviteurs rapprochés, les awliya d'Allah, awliya d'Ar-Rahman. Et il dit, parce que le livre s'intitule à propos, ou bien plutôt le sujet du livre, c'est à propos des awliya ar-Rahman, les serviteurs rapprochés d'Ar-Rahman, et awliya ash-shaytan, les serviteurs rapprochés du shaytan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans les versets que le cheikh a cités les différentes circonstances dans lesquelles il a secouru ses alliés rapprochés et ses serviteurs rapprochés, en leur envoyant le renfort des anges à cause de leur patience et de leur endurance, et qu'il leur a donné ce secours et qu'il les a sauvés des situations difficiles, et des situations difficiles et dures, et qu'il leur a envoyé la délivrance et une issue de sa part. Alors que on voit que dans la situation des alliés du shaytan, qui leur fait des fausses promesses, shaytan fait à ses alliés des fausses promesses, et on voit que la conclusion de ces différentes situations-là, c'est que le shaytan, avec ses alliés, il les laisse tout le temps dans l'humiliation, dans la défaite et dans la honte. Donc ça, c'est pour montrer en fait la différence entre les alliés d'Allah et les alliés d'Ar-Rahman. Ensuite, le shaykh, il dit, وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة. Donc il dit le cheikh que les shayatin, les awliya du shaytan, les alliés du shaytan, il y a des esprits ou des âmes qui viennent leur parler et qui se font passer pour certaines personnes en leur présence. Alors eux, ils pensent que ce sont les esprits ou les âmes des personnes mortes, alors que ce sont des djinns ou que ce sont des diables, et eux, ils pensent que ce sont des anges. Le cheikh explique à ce sujet-là ce passage des paroles de Ibn Taymiyyah. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, وَهَاُولَا تَأْتِيهِمْ أَرْوَاحٌ تُخَاطِبُهُمْ. Donc il y a des esprits ou des âmes qui viennent leur parler. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, هؤلاء يعني أولياء الشيطان تأتيهم أرواح تخاطبهم وهي شياطين تكلمهم يظنون أنها ملائكة وهي شياطين تلقنهم الشر أرواح خفية لأن الجن والشياطين يتشكلون بأشكال لا يعرفون بها. Donc le Cheikh, il dit, ceux-là sont, c'est-à-dire les alliés du Shaytan, il y a des esprits qui leur viennent et qui leur parlent, et ce sont des diables en réalité qui leur parlent. Eux pensent que ce sont des anges, ce sont en réalité des diables qui viennent et qui leur transmettent le mal, des esprits cachés, parce que les djinns et les shayatins peuvent se transformer et prendre différentes formes pour ne pas se faire reconnaître. وتتمثل لهم. Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'ils se transforment ou ils prennent l'apparence de certaines personnes. Ils imitent les voix de certaines personnes, ils imitent leur apparence aussi. تتمثل لهم بأشخاص لأن الجن يقدر على أن يتشكل يصير داب يصير حشرة يصير إنسان يتشكل. Donc le djinn, il est capable de prendre la forme de différentes personnes. Le djinn, il peut apparaître comme un animal, comme un insecte, comme un être humain. Il peut se transformer. Et il dit, « وَهِيَ جِنٌ وَشَيَاطِينٌ. » Alors qu'en réalité, ce sont les djinns et les diables. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَهِيَ فِي حَقِيقَتِهَا جِنٌ. » ليست على ظاهرها وإنما هي جن وشياطين لتغرير بني آدم. Donc en réalité, ce sont des djinns mais ils ne sont pas dans leur vraie apparence. Hein? Ils se font passer pour autre créature, alors que ce sont des djinns et des diables, et ils veulent tromper les êtres humains, les fils d'Adam. فَيَظُنُّونَهَا مَلَائِكَ Donc les gens pensent que ce sont des anges. Oui, Cheikh Al-Fawzan dit وَيَفْرَحُونَ بِهَذَا يَظُنُّونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ عَلَى الرُّسُلِ وَأَنَّهُمْ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ كَمَا تَنْزِلُ عَلَى الرُّسُلِ وَأَنَّهُمْ لَيْسُ بِحَاجَةٍ إِلَى الرُّسُلِ لِأَنَّهُمْ يَأْتِيهِمْ مِثْلَ مَا يَأْتِي الرُّسُلِ أَوْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ حَالًا كَمَا سَيَأْتِي Donc le Cheikh explique que il pense que ceux qui viennent vers eux, hein, ceux qui leur apparaissent, sont des anges. Alors ils se réjouissent de ça. Hein. Ils pensent que hein, ils ont la visite des anges, telle que yani, ou la même chose que yani, les anges ont reçu comme visite. C'est-à-dire la même chose que les messagers ont reçu comme visite. Ils pensent qu'ils ont eux aussi la visite des anges comme les messagers. Parce que les messagers, hein, les anges viennent vers eux et descendent sur eux. Hein? Donc eux, ils pensent que ceux qui viennent les visiter et ceux qui descendent vers eux sont des anges aussi. Alors que, yani, ce sont des diables, ce ne sont pas des anges. Et donc eux, ils pensent qu'ils sont donc au même degré que les messagers et qu'ils n'ont pas besoin de suivre les messagers. Parce qu'ils disent, nous on a reçu la visite des anges de la même manière que les messagers l'ont reçu, donc on n'a pas besoin d'eux. Ou bien même certains, comme on l'a mentionné déjà, pensent qu'ils sont même meilleurs que les anges. Hein, puisque, yani, on a parlé de ça, on a mentionné les explications des détails de ces idées-là, de la part de certains d'entre les soufis. Le Cheikh il dit ensuite, الشيخ ابن تيمية ذيك الأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد في الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد نعم donc le Cheikh explique que donc des fois ils ont la visite de ces esprits qui leur parlent hein pour les inciter hein, qui parlent à des adorateurs d'étoiles ou de constellations ou ceux qui adorent les idoles. Donc ils viennent vers eux, c'est les djinns en réalité, les shayatins qui viennent vers ces idolâtres et qui leur adressent la parole hein, comme s'ils étaient les étoiles ou bien les idoles eux-mêmes. Donc les mushrikines, hein, ils entendent les idoles parler. Hein, ils entendent les idoles qui leur parlent. Ils entendent les paroles des étoiles, soi-disant. Et ils pensent qu'ils ont la visite de certains esprits hein, qui sortent de ces statues ou de ces étoiles ou de ces astres. Alors qu'en réalité, ce sont des shayatins. Et il dit, et le premier qui a fait paraître ce genre de choses dans l'islam, c'était Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Et Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi. Son nom, sa kunya, c'est Abu Ishaq. Et son père faisait partie des grands parmi les Sahaba. Il est né hein, l'année de la Hijra. Mais il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais non plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses qui ont été rapportées à son sujet sont des choses qui ne sont pas satisfaisantes. حكاها عنه ثقات, des gens honnêtes et fiables les ont rapportés à son sujet. Donc ça c'était à partir du moment qu'il a recherché le pouvoir pour lui-même jusqu'à ce qu'il soit exécuté par Mus'ab ibn Zubayr dans la ville de Koufa en l'an 77. Alors que avant cela, il était compté parmi les gens de bien, hein, et les gens de mérite. يُرَاءِ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَكْتُمَ الْفِسْقِ وَيُظْهِرْ مِنْهُ مَا كَانَ يُضْمِرْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Donc c'est ça. Il cachait sa perversité et tout ça est apparu. Hein. Ce qu'il cachait est apparu par la suite. Donc ça c'est ce qui a été dit à son sujet, c'est le sujet de cette personne, Al-Mukhtar ibn Ubayd. Bon, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant à ce sujet, donc, on a expliqué une partie, on va expliquer la suite. Donc il dit, « وَفِي الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hein, c'est-à-dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné à propos de cette situation dans le hadith authentique qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon le, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura dans Thaqif, la tribu de Thaqif, un menteur, un grand menteur, wa mubir, hein, et le terme mubir, si je ne me trompe pas, c'est l'explication. Attendez. C'est ça. Mubir, c'est celui qui tue beaucoup de gens. Qui tue beaucoup de gens. Donc, dans la tribu de Saqif, il allait avoir deux personnes. Un grand menteur et quelqu'un qui tue énormément de personnes. كذاب ومبير. Et Al-Kazab, c'était Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Hein, celui dont on a parlé maintenant. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, سبق لنا أن عباد الأصنام وعباد القبور يسمعون أصواتا أو يرون صورا. يعني صور الأموات الذين يدعونهم ويخاطبونهم ويقضون حاجاتهم. فيظنون أنهم ملائكة وهم شياطين تخاطبهم من القبر تخاطبهم من الصنم لتغرر بهم يعني الذين تخاطبهم الشياطين. Donc le cheikh explique que on a déjà expliqué dans le livre que au début que les adorateurs d'idoles, les adorateurs des tombes, parfois ils entendent des voix et ils pensent que ces voix sont les voix des personnes, hein, ils pensent que ces voix sont les voix des personnes yani, qui sont représentées par ces statues après leur mort. Ils pensent que ces statues-là s'adressent à eux, donc ils entendent leur voix. Ou bien si c'est une tombe, parmi les tombes des gens qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils pensent que la personne qui est enterrée s'adresse à eux par la tombe, hein? Et donc ça c'est un exemple. Et aussi parfois ils vont même voir des images, ils vont voir l'apparence ou l'image de cette personne ou l'apparition de ces personnes là donc soit de la statue ou soit de la personne enterrée dans la tombe, ils vont les voir apparaître devant eux et ils vont les voir s'adresser à eux. Et le cheikh explique que yani, ils viennent, hein, c'est-à-dire ils entendent leur voix, ils entendent ces personnes qui s'adressent à eux et qui viennent pour essayer de remplir leur demande et de leur donner ce qu'ils veulent. Et il s'imagine donc que ce sont des anges hein? Alors que ce sont des diables qui leur adressent la parole de par la tombe ou de par la statue pour les tromper, hein? Ce sont les diables qui leur parlent. Et en ce qui concerne l'autre partie de la parole de Ibn Taymiyyah, lorsqu'il cite le hadith apporté par Muslim à propos du fait que dans la tribu de Saqif il y aura deux personnes, un menteur et une personne qui tue beaucoup de gens, donc il dit à propos du premier Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi, il dit min qabilati Saqif من الطائف يعني ظهر في أول أمره بالصلاح والاستقامة وكان مع ابن الزبير ثم إنه انحرف وذهب مع الشيعة ثم في النهاية ادعى أنه نبي وأنه يوحى إليه هذا المختار ابن أبي عبيد فعلت به الشياطين ما فعلت بأمثاله من الخديعة حتى ادعى النبوة تخاطبه الشياطين وهو يظن أنها ملائكة يعني ادعى النبوة مع أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهوره فقال سيكون في ثقيف كذاب ومبير الكذاب هو المختار والمبير يعني الذي يقتل الناس هو الحجاج بن يوسف الثقفي وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الكذاب وهو المختار وظهر الحجاج الذي هو المبير والكذاب لأنه يعني ادعى النبوة. Donc le cheikh il explique que Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid était de la tribu de, yani on l'appelle Al-Thaqafi parce qu'il est de la tribu de Thaqif, de la ville de Taif. Parce que ceux qui habitaient à Taif, c'était la tribu de Thaqif. Et il est apparu au début comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un sur la droiture. Et il était avec Ibn Zubayr. Puis par la suite, il a dévié. Et il a rejoint les Shia. Puis à la fin, il a prétendu être un prophète. Il a prétendu qu'il recevait une révélation. Donc cet individu, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid, les diables ont fait avec lui et avec ses semblables toutes sortes de ruses, jusqu'à ce que certains d'entre eux parmi les faux prophètes, comme cet individu Al-Mukhtar, ont prétendu être des prophètes et que les diables leur parlent, ils prétendent que les diables leur parlent en pensant que ce sont des anges. Et puis yani, ils ont prétendu la prophétie par la suite alors qu'il n'y a pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé sa venue lorsqu'il a dit dans le hadith il y aura dans la tribu de Saqif un menteur et un moubir. Comment on peut dire al-moubir, c'est yani, quelqu'un qui tue beaucoup de gens. Et ici, il explique le cheikh que le menteur, c'était al-mukhtar, tandis que al-moubir, c'est celui qui tue beaucoup de gens. Et c'était al-hajjaj ibn Yusuf al-thaqafi. Al-hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé est apparu, puisque ça s'est produit, puisque le menteur, pardon, puisque le grand menteur c'était Al-Mukhtar et Al-Hajjaj est apparu par la suite et c'était lui Al-Mubir, c'est-à-dire celui qui tue beaucoup de gens, tandis qu'Al-Kadhab, on l'appelle Al-Kadhab Al-Mukhtar parce qu'il a prétendu la prophétie. Comme Musaylama Al-Kadhab. Le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ensuite وَالْمُبِيرُ الْحَجَّاجُ ابْن يُوسُفُ فَقِيلَ لِبْنِ عُمَرُ وَابْنِ عَبَّاسُ إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال صدق. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah dit donc Al-Mughir c'était Al-Hajjaj Ibn Yusuf, donc celui qui tuait beaucoup de gens, c'était Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Et à propos de lui, le Cheikh Al-Fawzan il dit: Al-Hajjaj Ibn Yusuf الذي كان أميرا في وقت بني أمية وكان فاتكا شجاعا قويا وكان عقوبة على قتلة عثمان رضي الله عنه وتتبعهم حتى قضى عليهم ففيه منافع وفيه مضار وهو مؤمن ظالم وهو ظالم مؤمن ليس مثل المختار ابن أبي عبيدة الذي زعم أنه ينزل عليه الملائكة وأخبر. Donc ici le Cheikh dit que Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'est lui, il était amir, il était amir à l'époque de Bani Umayya, et il était un homme très courageux et fort, et il a été un châtiment pour les gens qui avaient tué Uthman radiallahu anhu, parce qu'il les a suivis, il les a cherchés et il les a exécutés. Donc il y avait un bienfait dans son jugement, sauf qu'il avait également en lui un méfait, dans le sens que il a fait beaucoup d'injustice, il a tué beaucoup de gens qui étaient innocents. Alors c'était un croyant, mais un injuste en même temps. Un injuste croyant. Et c'est pas comme Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid qu'on a mentionné auparavant, qui prétendait lui que les anges descendaient sur lui. Donc au sujet de Al-Hajjaj ibn Yusuf, son nom c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn al-Hakam ibn Abi Aqil. Salam. Abu Muhammad al-Thaqafi, et celui qui l'a mis qui lui a donné al-Wilaya, qui a fait de lui un des Umara pour la région de Makkah wal Madina, c'était Abdul Malik ibn Marwan. Wallahu Abdul Malik ibn Marwan al-Hijaz. Et c'est lui qui a tué, donc al-Hajjaj, c'est lui qui a tué Ibn Zubayr. ثم عزله عنها وولاه العراق. Ensuite, Abdul Malik ibn Marwan l'a retiré de cette région de Al-Hijaz, la Mecque et Médine, et il l'a envoyé pour être le dirigeant en Irak, pour celui qui allait être responsable de l'Irak. Et il est mort, il a péri. Allah a pris son âme dans le mois de Ramadan de l'année 95 après la Hijra. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement tyrannique et injuste, et qui faisait couler le sang, mais il était en même temps très courageux, et en même temps c'était quelqu'un connu pour son éloquence. Akhi, c'est l'autre, celui qui est blanc, oui. Barakallahu fi, oui. Il était connu pour son éloquence aussi. Et il avait un grand respect pour le Coran. Il a de grandes hasanat. Il a de nombreuses hasanat. Il est dans un océan de péché. Donc c'est Allah qui va le juger. Parce qu'il était sur l'islam, sur le tawhid. Donc on laisse son cas entre les mains d'Allah. Donc en ce qui concerne l'autre partie de ce que Cheikh al-Islam a mentionné, il dit: wa qila li ibn Umar wa ibn Abbas al-mukhtar yaz'umu annahu yanzilu ilayhi aw yanzilu ilayhi fa qala sadaq qala Allah ta'ala hal unabbi'ukum على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Donc c'est rapporté, on a demandé ou on a demandé à Ibn Omar et Ibn Abbas qui ont été parmi les jeunes d'entre les Sahaba et qui ont vécu longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on leur a posé la question à cette époque-là à propos de Al-Mukhtar ibn Yusuf al-Thaqafi. Pardon, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, on leur a posé la question à son sujet. Et Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, tous les deux ont répondu parce qu'ils lui ont demandé, ils ont dit, Al-Mukhtar prétend qu'il y a des anges qui descendent sur lui. Et eux, ils ont dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas des anges, c'est des diables qui descendent sur lui. Et ils ont récité le verset 221. Et 222 dans Sourate Ash-Shu'ara. Voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout menteur, pécheur. Hein? Donc ça, c'est ce qu'ils ont répondu, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça justement. Il dit... وأخبر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالوا صدق يعني تنزل عليه الشياطين لأن الله أخبر بذلك هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وهم الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين وتسترق السمع وتكذب معه. Donc il dit تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فهو ينزل عليه صحيح أنه ينزل عليه لكن ينزل عليه الشياطين وليس ملائكة. Donc le cheikh il répète l'explication que Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, tous les deux ont répondu oui, il y a des choses qui descendent sur lui, mais ce n'est pas des anges, c'est des diables. Et ils ont cité les versets 221 et 222 dans Surat Ash-Shu'ara, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Est-ce qu'on va vous informer de ceux sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tous les menteurs, pécheurs. Donc, oui, il y a quelque chose qui descend sur eux, mais ce ne sont pas des anges. C'est ça que le cheikh explique. Il dit, وقال الآخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Donc d'autres ont dit, Al-Mukhtar prétend qu'il reçoit une révélation ou qu'il est inspiré, et il a répondu en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné, car c'est une perversité. Et certes les diables inspirent à leurs alliés pour qu'ils débattent ou qu'ils argumentent avec vous. Et si vous leur obéissez, alors vous êtes des mushrikoun comme eux dans ce cas-là. Et c'est le verset 121 dans Sourate Al-An'am. Donc ici le cheikh il explique que il dit هناك وحيان وحي من الله ووحي من الشيطان الرسل عليهم الصلاة والسلام ينزل عليهم الوحي من الله والكهنة والكذابون يأتيهم الوحي من الشياطين وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ يعني يُخْبِرُونَهُمْ الْوَحْيُ هُوَ الْإِخْبَارُ بِخُفْيَةٍ يُخْبِرُونَهُمْ بِأَشْيَاءَ كَاذِبَةٍ تُغَرِّرُ بِهِمْ وَيَنْخَدِعُونَ بِهَا لِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني غرور والعياذ بالله. فهذا الذي حصل للمختار ابن أبي عبيد ويحصل للكهان. Donc le شيخ il dit, شيخ الفوزان, il dit, il y a deux sortes de révélations. La révélation de la part d'Allah et la révélation ou l'inspiration de la part des diables. Et les messagers, hein, les messagers, ce sont ceux qui reçoivent la révélation d'Allah, tandis que les faux prophètes, les sorciers, les menteurs, les voyants ou les médiums, eux, ils reçoivent l'inspiration et la révélation des diables. Hein, et les diables, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna shayatina la yuhun. Hein? C'est-à-dire, les diables, ils inspirent. C'est-à-dire, ils les informent. Mais de façon subtile, de façon cachée. Parce que c'est la signification du terme al-wahyu. Al-wahyu, le shaykh il dit, c'est al-ikhbar bi-khufya. C'est-à-dire, le fait d'informer quelqu'un de façon cachée ou de façon secrète. Donc il leur informe des choses mensongères pour les tromper et pour les dévier, parce qu'ils ont pris les diables comme alliés, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc ça c'est de la tromperie, wal'iyadhu billah. Et c'est ce qui est arrivé, hein, à des individus comme Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Et c'est ce qui se produit également aux voyants et aux médiums et aux diseurs de bonne aventure et aux sorciers et ainsi de suite. Ensuite, le shaykh il dit, wa hadhihi al-arwah al-shaytaniyah هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين. Donc ici le cheikh il explique que ça fait partie des âmes, hein, ces âmes dont il parle, c'est des âmes diaboliques, des esprits diaboliques. C'est le genre d'esprit qui est apparu donc, ou que a prétendu l'auteur du livre Al-Futuhat, c'est-à-dire Ibn Arabi. Hein, il prétend que c'est quelque chose qu'il a reçu, le livre qu'il a écrit, Al-Futuhat Al-Makkiyah, il prétend que c'était une inspiration divine qu'il avait reçue. Et donc il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, que ce genre d'inspiration, c'est des inspirations de la part de ces esprits diaboliques, hein. Et cette âme que l'auteur du livre Al-Futuhat prétend avoir eu la visite et qui lui a inspiré ce livre, c'était en réalité un de ces diables. Et c'est pour ça qu'il dit que il a mentionné certaines retraites spirituelles, comme il les appelle, les khalawat, le fait de rester isolé pendant de longues périodes, soi-disant pour méditer ou pour faire des exercices spirituels, un peu comme les moines tibétains, hein, chez les bouddhistes ou chez les hindous. Hein, ils restent isolés dans des montagnes ou dans des grottes, sans manger pendant des longues périodes, jusqu'à ce qu'il commence à avoir parfois même des hallucinations, et il pense que ça c'est des inspirations divines, des révélations. Allah al-Musta'an. Donc Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires là-dessus. Il dit, صاحب الفتوحات الذي هو ابن عربي له مؤلف اسمه الفتوحات المكية ومؤلف آخر اسمه فصوص الحكم مشحونان بالضلال والإلحاد، ويزعم أنه ألقي إليه هذا الكتاب، وصحيح أنه ألقي إليه، لكن من الذي ألقاه إليه؟ الشيطان ألقاه إليه، يعني زعم أنه جاءه آت وأعطاه الكتاب وقال إن الذي جاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الكتاب هذا وهو الشيطان. Donc le Cheikh il dit, l'auteur du livre Al-Futuhat, c'est Ibn Arabi. On a déjà parlé de lui dans plusieurs cours. On a expliqué qui il était, que c'est un hérétique parmi les égarés du soufisme. Et pour les soufis, c'est une des têtes références pour eux dans le soufisme. Et même la plupart des soufis, sinon tous les soufis, ils le vénèrent et ils le considèrent comme leur Cheikh al-Akbar, le grand Cheikh, ils l'appellent. Cheikh al-Akbar. Ils l'appellent même parfois Khatim al-Awliya, yani le sceau des alliés ou des rapprochés d'Allah, des saints. Comme ils le traduisent parfois. Et le Cheikh, il dit que Ibn Arabi, donc il a plusieurs livres, mais parmi ces livres, il en a deux. Le premier, celui que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah vient de mentionner, Al-Futuhat al-Makkiyah, les révélations mekkoises, Futuhat dans le sens de fath, les victoires, mais c'est plutôt ici, ou bien les conquêtes, mais ici c'est plutôt dans l'expression soufi, yani al-fath, c'est plutôt dans le sens de qu'est-ce qu'il a reçu comme dévoilement, ou bien une sorte de révélation qui lui a été faite. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Et un autre livre aussi qu'il a écrit qui s'appelle Fusus al-Hikam. Et ces deux livres sont remplis d'égarements et de déviations. Et donc, il prétend que ce livre-là lui a été donné. Et il dit, c'est vrai, oui, ça lui a été donné. Il prétend que ça lui a été révélé. Donc, il dit, oui, c'est vrai, ça lui a été révélé. Sauf que, c'est qui est-ce qui lui a révélé? C'est le shaitan. Et lui, Ibn Arabi, il prétend que quelqu'un lui est venu et lui a apporté ce livre. Et il prétend que celui qui lui avait apporté le livre, c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a donné ce livre. Il y a beaucoup de soufis comme ça qui prétendent ce genre de choses, comme aussi Ahmed al-Tijan, et d'autres également, prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient les voir. Et Ahmed al-Tijan, il prétend même que il a reçu la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Allah al-Musta'an. Et il dit, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient me voir, il me parle, il me donne des choses, il me dit des choses. Donc, Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est un grand menteur, cet individu, Ibn Arabi, ainsi que Ahmed Tijan, et la plupart des soufis sont des menteurs de toute façon. Tous les chouyoukhs des soufis, sont la plupart des hérétiques, les fondateurs des Turuqs. Donc le Cheikh, il dit, c'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce livre, mais c'était plutôt le shaitan. Et certains parmi les soufis, parfois quand on leur dit ça, ils sont parfois tentés ou poussés à vouloir utiliser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, si vous me voyez dans un rêve, alors vous m'avez vraiment vu, car le shaitan a été interdit de prendre mon apparence. Et ils disent que ça, c'est la preuve que quand ils prétendent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba et les salafs, lorsque quelqu'un leur venait en disant, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, décris-moi celui que tu as vu. parce que même si le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne l'empêche de mentir, de prendre une apparence autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prétendre mensongèrement d'être le prophète. Donc les gens qui ne connaissent pas la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle que les sahaba l'ont décrit, eh bien eux ils vont être trompés par le shaitan, parce que le shaitan va prendre l'apparence de quelqu'un, une personne quelconque, avec une barbe, et il vient vers eux, puis il leur dit: je suis le messager d'Allah, je suis Muhammad. Il prétend être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas lui, c'est pas son apparence du tout, mais eux ils le savent pas, et donc ils croient qu'est-ce que cette personne là leur dit, en disant: mais le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça peut pas être lui, ça peut pas être autre que lui, ils pensent que ça peut pas être autre que lui. Et en réalité c'est parce qu'ils ont pas compris que c'est vrai que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre une autre apparence et prétendre être le prophète alors qu'il ne l'est pas. Donc ça, c'est, faut faire très attention à ça aussi. Et le cheikh, il dit ensuite, يعني شيخ الفوزان il dit: ومن شطحات الصوفية وضلالهم أنهم ينعزلون عن الناس في خلوات أياما ولا يأكلون ولا يشربون حتى تصفو أرواحهم. ومنهم من يهيئ نفسه للرسالة ويخلو يريد أن تنزل عليه الملائكة وتصفو روحه، يعني خداع من الشيطان والعياذ بالله، ينعزل ويترك الطعام والشراب وتصفو روحه للشيطان فينزل عليه الشيطان عند ذلك. أما المؤمن فهو ما يخلو ولا ينعزل، يذهب يصلي مع المسلمين ويجالس المسلمين ويحضر حلق الذكر والدروس، أما هؤلاء فينعزلون حتى يحصل لهم الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم في وقتنا من ينعزل وتأتيه الأفكار الكفرية والأفكار المنحرفة كما ترون في بعض الشباب. فالانعزال عن المسلمين والانعزال عن المساجد والانعزال عن ذكر الله بسبب هذا يسبب هذا الضلال. فإما أن الشياطين الجن تأتيه وتضله، فإما أن الشياطين الجن تأتيه وتضله وتأتيه وتضله، وإما شياطين الإنس يأتونه بالأفكار المنحرفة ويلقون في ذهنه أن المسلمين كفار وأنهم يحتاجون إلى جهاد فيحصل ما يحصل، وكل هذا بسبب الانعزال والعزلة عن المسلمين وعن بيوت الله وعن ذكر الله عز وجل. Donc le cheikh, il dit, parmi les égarements des soufis et leur égarement, il y a le fait qu'ils se détournent. Ils se détournent et ils s'écartent des gens. Ils s'écartent et ils font des retraites, c'est ce qu'ils appellent des retraites. Donc ils vivent comme ça en ermite, isolés de la société, isolés des gens, dans des endroits fermé ou clos ou éloigné, soit dans des monastères, soit dans des grottes, soit dans la montagne, dans les forêts ou dans des endroits sauvages. Ils vont par là-bas, pendant 10 jours, ils restent sans boire, sans manger, jusqu'à ce que, selon eux, ils soient purifiés. hein, jusqu'à ce que selon eux, ils soient purifiés dans leur âme, puis qu'ils soient prêts à recevoir, soi-disant, la révélation. Allah al-Musta'an. Et donc, ils restent isolés, et ils disent, hein, que les anges descendent sur eux. Ils attendent, ils veulent que les anges descendent sur eux et que leur âme soit purifiée pour pouvoir accepter ou recevoir la visite des anges, soi-disant. Et ça, en réalité, c'est le diable qui les trompe. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent des gens. Ils délaissent la nourriture, ils délaissent l'eau, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Et ils pensent que leur âme se purifie. En réalité, hein, ils se préparent à la venue du diable. Et le shaitan qui vient, qui descend sur eux alors qu'ils sont faibles, et que leur esprit est faible, parce qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, et il leur fait voir toutes sortes d'hallucinations, il leur fait entendre des voix, hein, et ils s'égarent. Après, il sort de là-bas, puis il dit, j'ai eu une révélation, hein, Allah il m'a parlé, les anges sont venus, hein, alors que c'était le shaitan qui a fait tout ça. Tandis que les croyants, ils ne s'isolent pas, hein, ils s'écartent pas de la société des gens. Ils vont pas comme ça faire des retraites et s'isoler des gens, et s'éloigner des gens, et s'écarter. Non, les musulmans, eux, ils prient avec les musulmans, ils s'assoient avec les musulmans, ils assistent aux cours des musulmans, ils assistent aux cours dans la mosquée, ils s'assoient avec les autres. Ils vont pas s'isoler des gens. Jusqu'à ce que, yani, certains d'entre eux s'égarent. Wal'iyadhu billah, s'ils restent écartés. Et c'est ça qu'on voit, il dit le cheikh à notre époque. Et qu'est-ce que le cheikh, il décrit? C'est la réalité. Parce qu'on le constate ici. Et on le voit un peu partout. Des jeunes qui, yani, ils s'écartent des musulmans. Ils restent à l'écart des cercles. Ils viennent pas assister aux durous. Ils s'assoient pas avec les ulama. Ils s'assoient pas avec le tullab al-ilm. Ils n'assistent pas au durus à la mosquée, ils ne viennent pas à la prière en jama'a, hein, ils ne prient pas en groupe, ils restent seuls dans leur coin. S'ils viennent à la mosquée, ils s'assoient tout seuls. Parfois même certains viennent à la mosquée, ils prient tout seuls, ils ne prient pas avec la jama'a. Hein, ils s'assoient derrière, ils lisent un livre. Pendant le dars, tu les vois, eux, ils ne viennent pas s'asseoir dans le dars. Ils s'assoient au fond de la mosquée, loin tout seuls, à lire le Coran. Et il pense que d'apprendre tout seul, c'est mieux pour lui. C'est plus, hein. Il pense qu'il est au-dessus de ça. Il dit, ah, moi, je veux pas aller m'humilier, m'asseoir avec des gens, là. C'est des djouhal. De toute façon, tout le monde pour lui est ignorant, sauf lui. Hein. Même les ulamas sont ignorants pour lui. Donc, il reste à l'écart de tout le monde. Et il pense que, hein, comme le cheikh, il dit, il pense que tout le monde sont des koufars. Sauf lui. Hein. Et sauf les extrémistes qui l'écoutent. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit à notre époque, c'est ça qui arrive, les idéologies de mécréance et déviées qui se propagent. Il dit, tu vois certains jeunes comme ça, ils s'écartent des musulmans, ils s'écartent des mosquées, ils s'écartent des cours, du rappel d'Allah. Il dit, et ça, c'est la cause de l'égarement de beaucoup de gens. Et, tandis que... Donc il dit, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un s'écarte de cette façon-là? Soit que les diables, parmi les shayatines... Attendez une minute. Non, donc le cheikh, il dit, donc ces jeunes-là, soit qu'ils reçoivent la visite des shayatines, parmi les diables, parmi les djinns, qu'ils les gardent, comme on l'a mentionné par exemple par rapport aux soufis, lorsqu'ils vont en isolation et qu'ils s'écartent dans des retraites, comme on a mentionné... Ou bien soit ils reçoivent la visite des hommes, mais c'est des shayatines parmi les êtres humains, les diables humains, avec des idéologies et des idées de déviation et d'égarement, et toutes sortes de bid'a, hein, et ils viennent leur transmettre des idées d'extrémisme et d'égarement. Et ils leur disent que les musulmans sont tous des mécréants. Tous les musulmans aujourd'hui, c'est des hypocrites, c'est des mécréants, hein. Et il faut les combattre. Donc, ils leur mettent dans l'esprit que les musulmans sont des koufars et que les musulmans sont des hypocrites, hein, que les musulmans sont contre l'islam et que c'est seulement eux qui sont croyants parmi les musulmans. tous les autres musulmans sont en dehors de l'islam pour eux. Allah al-musta'an. Et à cause de ça, ils s'écartent, ils s'isolent des musulmans. Et ils s'écartent des mosquées, et ils s'écartent des savants, ils s'écartent de la science, et ils s'égarent de cette façon. Allah al-musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on va continuer demain, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته